Ok, Zouga t'as brûlé ma gueule en direct de Marseille. Paris, Marseille, PES, FIFA. Un homme, une femme, un trou, c'est un trou, frère. Toujours le même, y'a des armes à la baraque. La BRB, la PJ dans les parages. Je suis dans le viseur, si tu cherches la merde, mon gros, je vois la T-Max, je t'allume ta mère, je m'en débarrasse. MC, t'as le swag d'un pêcheur. Toi, c'est la haisse, nous, c'est la fraîcheur. Wesh, soir, j'ai la tête dedans, je rachète dedans parce que ma montre coûte trop cher. Aucune compassion, le rap de merde, mon terrain d'occupation. Moi, j'ai de la haine, de la colère, de l'orgueil. Pour 100 000 euros, cash, je baisse en gel la Merkel. J'ai pas mal de la crime. Nique ta mère. T'as trop donné ta chatte. Nique ta mère. Big up à la police. Nique ta mère. Et si tu les rencardes. Nique ta mère. Passe-moi, tu biffes la caisse, pas de casse, on casse, rafie, biche. Champagne, resto, fagra, piscine, Floride. Hey, je m'arrête pas de vivre. Visage cassé, mais je plais grave. Achète une arme avant de te mettre ta vie grave. Fusil d'assaut, je connais la vie, celle des pulcras, gravo, mais grave. Oh. C'est le bloc, c'est le drame. Je vais te monter au crâne comme un sous de Hia. Ça me saoule, c'est le fan. Les MC stressent comme des épouses de GI. Faut que je découpe le grillage, la cour des miracles, la cour de cash. Parcours de pirates, partout c'est l'Irak. Ça trouve, ça kidnappe, pas quand le calme, billage. Je navigue à vue, ça vise la lune, là où les requins charquent. Combien rêve d'être payé à rien branler comme le prince Charles. La vie, la rue, t'apprennent l'esprit, la ruse. Même quand t'es brisé, sans s'aiguiser, briller comme les Champs-Élysées. Sans s'aiguiser. Pour mon crew, ma reine, j'porterai toujours le fan du missile. J'pèse tout en sous-marin, Loana dans la piscine. Gros, c'est la crime, la fro, la clique, ça vaut de l'or. Pas trop la suite, plutôt le coffre, le code, la gold et le compte gonflé. Ce n'est que le début, dit-on, pétasse que je n'ai pas. C'est la mission pour les white boys. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi-même seul, le shétan m'accompagne, boy. J'suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Disons que je n'ai pas de bol. Tu veux partir loin et jamais revenir. Tire-toi une balle dans la tête, jette-moi. Ni Tony, ni Mani, Wani, Algérien, Marocain. La frappe et le danger vient de chez nous, la mini. Sondis-le à ta copine. L'argent bien se fait en suivant. J'en connais qui suis en braquant des briques. Pathétique de me comparer à tous ces petits, je crois bien qu'on n'a pas les mêmes dreams. J'ai pété les plombs, t'es fait péter les plombs. Envie par les mecs de mon âge, respecté par les grands. Les MC mangent des KO, mon flow de malade a mis les gants. Mes défauts, mes vocalités, bienvenue dans ma vie d'Aloca. Snatch, DJ One, ICK et le 3-1. Un 3 Benson, c'est la bande son. Ratatata, ramasse les douilles. Tu veux la gloire, tiens la rançon. Ratatata, ramasse les douilles. Bas les couilles de tous ceux qu'ils sont. J'arrive couille pleine comme le Père Noël. Bas les couilles de tous ceux qu'ils ont. J'arrive coup de pelle comme Bernie Noël. Une petite voix me dit Lego, Lego, game et game, retourne le putain. Tout se paye, fuck you pay me, gain et gain, fais tourner le putain. Le rap est mort, je suis sa dépouille, mes condoléances. Dis-moi où je signe, je vais avoir une larme, qu'une vie, qu'une âme. Le savoir, une arme, dis-moi où je cible. Viens pas sympathiser, va te faire, je t'aime pas, tu sais. Je te laisse ma part de succès, mais je te laisse pas me la sucer. Je pisse sur ta putain de boue, mais je suis sur ta putain de bouche. Je suis sur le putain de tapis rouge, Aladdin sur ta putain de bouche. Comme Climo, je suis toujours le même. Ceux qui veulent peser mes couilles ou pisser sur ma dépouille. Après mon 12, ramasser des douilles, allez tout, tout, tout, tout, sneaky vos mères. Entre nous, un écart de fou. Je m'assois pas là où y'a pas des rats comme nous. Pas des tapins qui sucent à tous les feux rouges, tous les carrefours. On est partout, on les efface tous. C'est ni air ou la crime, gros, on est partout. Sur nos parcours, on connaît les braves et les capous qui crachent même sur les sujets tabous. Partout, on passe, on casse tout, pas tard, pas touche à nos galouches. Même toi, un doigt comme laser, mais personne veut entendre parler de toi. De quoi méditer, que des vérités, peu de sincérité, tout est mérité. Vite et parler, crédibilité, je suis pour l'unité. Demande à mon équipe, y'a pas de quoi douter. Ma fiabilité, tu sais qui pèse. Dans ton bloc, un flow crédit illimité. I'm a real best motherfucker. Yeah, je suis là, c'est que le son part sur une bonne note, nigga. Gros, c'est la haine, madame, que prévient les haineux. Gunshot T et grand sous le choc de puis one shot kit. De toute force, shit dans les veines, pas la peine que t'essayes de nous ken. Dans le motherfucking tête, c'est le Delport. Pas tête à tête, aura ta tête à terre, car la vie nous a ken. On est très terre à terre, te mêle pas de nos vies, frères. On a pas tant à perdre, nous pas censés de faire fructifier nos affaires. J'suis pas un kid, mais si tu me mets un faux plan, j't'indiquerai tranquillement le chemin de ta tombe. Ouais, j'paierai comme un young, mais t'as vu que j'suis young, gros, te tarder l'effort si ma femme me trompe. Si t'es un louchat qui a la critique aussi facile qu'une pétasse ne quitte pas. Ou alors va niquer ta mère, ou bien mes potos vont le faire et tu seras un fils de plus de mais ne flippe pas. Ok, tip pas, s'il te demande d'où j'viens. Dis-leur que je suis pas derrière. Moi je veux être partout comme le drapeau algérien. J'suis un XV barbare bad boy. Bibi Coloco Ken Cowboy. J'vis chaque jour comme si je devais partir demain. Pourtant j'ai peur de partir sous alcool. Mes bétails s'extirpent à cargole. Mes bigots parlent de ramener pardon. J'escalade les échafauds de gérer Spider-Man. Me cagouler pour faucher le pactole. Ils se demandent comment je rappe à la vitesse d'énormes cernes. Ils se demandent combien de temps j'ai pas dormi vu mes cernes. Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es. Bigot c'est la perpétuité que notre train de vie desserve. Bicolo Coloco put your hands up in the air. Ils doutaient que j'ai démoli via la langue de Molière. Malheureusement je suis sorti de l'anonymat. Niquez vos mères, les gars, c'était dans la nuit noire qu'il fallait croire en la lumière. Train fleuri, bois d'art, la santé, only. J'compte enterrer le rap game comme promis. Mental, Ali, la pointe, soit tag Maui. Un joint, flotter, young money. Doucement sur mon champagne, sale biatch. C'est que dans la vie, tout se paye, sale biatch. Et ta potelle, je t'appelle à midi, mais je te lâche pas jusqu'au lendemain midi. C'est Kamel, le nouveau, nouveau blesse de mon département. 9-5, puis les belles mises à la demande. Tu veux représenter, fais-le correctement. No hashem pas, voilà qu'on te lâchera pas. Tu veux démon, on te laissera pas. T'as le démon, je sais que t'auras. C'est mon renvoi, les mecs de Villiers-le-Bel au sommet comme à l'époque du secteur A. C-V-I-2-L-I-E-R-S. Chez nous, les petits tirs sur les CRS. Monsieur l'inspecteur, moi j'étais pas dans les émeutes. Sur la tête de mon CRS. Villiers-le-Bel, on est plus que des terres sales. Comme un butin, faut des terres. Aval, maintenant t'as plus qu'à te taire. Cavalou, tu finis plus bas que terre. L'argent ne fait pas le bonhomme. Car une paire de couilles, ça coûte cher. Ton équipe te suce la bite. Moi j'haga le beat et c'est moi qu'elle écoute. Cher. Mon équipe, je gère. On m'a dit que je gêne. Ton équipe me cherche. Dis-leur que je viens relever le niveau. Dis-leur que j'ai saigné. Laissez nager, gêne. Je m'appelle Kamel le nouveau. Que des caïras sur la scène. Ok, de Paris à Marseille. Arme, drogue, billet, votre carré de bulle. 2-0-13, c'est nous la musique. Vous êtes tous d'accord?